Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des religions et plus particulièrement des réformes religieuses. En ouverture de cette semaine qui nous permettra de parler demain du Concile de Vatican II dans un documentaire, mardi des réformes religieuses de l'islam au XIXe siècle, jeudi des réformes du judaïsme médiéval, nous avons le plaisir de recevoir en première partie de cette émission Christiane Clapiche-Zuber qui vient de publier chez Alma un beau livre sur l'iconographie du bon larron, celui qui accompagnait Jésus lors de sa crucifixion, un livre qui s'intitule Le voleur de paradis. De crucifixion, il est d'ailleurs question également en ouverture de la série documentaire Jésus et l'islam, conçu et réalisé pour Arte par Gérard Mordilla et Jérôme Prieur, les auteurs entre autres de Corpus Christi. Dans cette série diffusée dès demain sur Arte, les deux auteurs rencontrent des très grands spécialistes du Coran et tentent de comprendre la place qui tient justement dans ce Coran la figure de Jésus. Mais tout de suite, comme tous les lundis, ouvrons cette émission par un nouvel épisode du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quien. Aujourd'hui, épisode 14, le télégramme Kenan avec Alexandre Riosbord. We must remember that Australia, New Zealand and Canada President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb. I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La fabrique de la guerre froide. Département d'État. Télégramme entrant. Réponse au département 284 implique question si intriquée, si délicate, si étrangère à notre manière de penser et si importante pour l'analyse de notre environnement international que je ne peux réduire ces réponses à un court message sans risquer de dangereuses simplifications. Veuillez m'excuser pour cet encombrement de la ligne télégraphique. George Kennan, Moscou, le 22 février 1946. George Kennan, c'est un des meilleurs spécialistes de l'Union soviétique au département d'État à cette période. Alexandre Riosbord. C'est un homme qui a une expérience très rare et très directe de l'Union soviétique. Avec quelques-uns de ses collègues, il a fait partie de ceux qui ont ouvert la représentation diplomatique américaine à Moscou après l'établissement des relations diplomatiques en 1933. Il a l'impression depuis Moscou qu'on comprend pas bien à qui on s'affronte en quelque sorte. On comprend pas bien ce que c'est que l'Union soviétique et ce que c'est que le gouvernement soviétique, le Kremlin. Et donc, il se saisit de cette occasion pour dire, voilà, je vais vous expliquer qu'on est dans une situation d'urgence et qu'il faut clairement et fortement changer d'attitude. Il faut changer d'attitude par rapport à l'Union soviétique et la considérer désormais comme un adversaire, comme un ennemi, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une période où d'incertitude et d'inquiétude au sein du gouvernement américain. Qui n'est pas feinte. Le document, c'est un document classifié. Lui, il est inquiet. Ceux qui vont recevoir le document seront inquiets également, parce qu'ils voient une situation de grande instabilité qui donne beaucoup qui offre beaucoup de possibilités au Kremlin d'intervenir et d'avancer ses pions, en gros, sur l'échiquier mondial. Et donc, dans ce contexte-là, le télégramme de Kennan, c'est ce qui va faire son succès. Il est capté, en quelque sorte, il va articuler ce qui ne l'était pas encore. Il y avait des opinions, des convictions, des envies de voir l'Union soviétique comme un adversaire qui n'était pas encore articulé dans un document unique. Et c'est ce document qui va servir à ça et que des acteurs politiques clés dans la structure du gouvernement américain vont saisir pour le diffuser et pour l'utiliser comme un texte permettant de redonner une vision claire du monde et en l'occurrence une vision manichéenne, c'est-à-dire une vision qui partage le monde entre le monde libre sous l'égide américaine face à l'ennemi désormais clairement identifié qu'est l'Union soviétique. C'est ça ce document, c'est cette bascule d'une période d'hésitation encore en matière de politique étrangère et dans la relation avec l'Union soviétique à une politique qui fait clairement de l'Union soviétique un adversaire. Est-ce que George Kennan fait des prescriptions dans ce long télégramme ? Il commence son texte en disant quelle est l'attitude soviétique. La première partie du texte, c'est voir le monde du point de vue du Kremlin, en fait. Donc elle est assez intéressante. Il se glisse dans le revers soviétique et il explique comment ils perçoivent le monde. sur la peur russe de ses voisins, sur le sentiment d'angoisse de l'existence de la Russie, que lui inscrit à partir du XVIIe siècle, qui a été en quelque sorte reprise par les bolcheviks et accentuée par les bolcheviks, qui sont venus greffer le marxisme et l'idée d'un marxisme assiégé en quelque sorte par le monde capitalisme sur cette vieille tradition russe d'une Russie assiégée par ses voisins et qui ne peut pas faire confiance à l'extérieur, qui n'a pas d'alliés en quelque sorte. Comme le Kremlin a peur, comme le Kremlin pense qu'il est entouré d'adversaires, en premier lieu les États-Unis, il n'y aura pas de moyen de vraiment négocier une stabilisation de la situation avec Moscou. Ils ne négocieront pas de bonne foi puisqu'ils ont peur. Et ayant peur, ils vont chercher à garantir leur sécurité, pour garantir leur sécurité, augmenter à la fois leur domination territoriale et leur accès à des ressources clés. Kennan a comme idée, en fait, derrière, l'idée que, à force de tergiverser, les Américains prennent le risque de perdre l'Europe. Et s'ils perdent l'Europe, ils se retrouvent dans une situation de faiblesse. Parce que là, c'est les fameuses analyses géopolitiques de la masse eurasiatique. Si la masse eurasiatique est contrôlée par l'Union soviétique, alors ça voudra dire une guerre que les États-Unis ne sont même pas sûrs de gagner. Et puis, très important chez Kennan, l'idée qu'il y a une politique souterraine qui est menée. C'est la propagande, la guerre psychologique qui est menée par les soviétiques pour subvertir de l'intérieur les États qui peuvent renverser et récupérer à leur profit de cette manière-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez Kennan, la menace, elle est d'abord politique. C'est comme ça que les Soviétiques peuvent l'emporter. Ça, c'est le dernier point dans ces recommandations, puisqu'on parlait de recommandations. Les Russes ne peuvent pas, chez Kennan, en 46, les Russes ne peuvent pas l'emporter militairement. Ils ne se risqueront même pas à la guerre. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est par l'influence politique et la subversion, récupérer des territoires, et donc, dans un futur plus lointain, éventuellement se risquer à avoir une attitude plus offensive. L'idée de Kennan, c'est que il faut contrer cette volonté des Soviétiques d'exploiter chaque opportunité dans le monde pour avancer leurs intérêts, en appliquant, va-t-il expliquer, des contre-forces politiques et militaires très mobiles en quelque sorte, à chacun des points où les Soviétiques essaient d'avancer leurs intérêts, points politiques ou points géographiques. Et donc il est pour une solution militaire de forces mobiles qui permettrait d'aller, par exemple, en Mandchourie, par exemple en Iran, par exemple en Europe, s'opposer évidemment à toute manœuvre soviétique militaire qui laisserait entendre la volonté d'étendre leur territoire de manière agressive. Sur le plan politique, il s'agit de redresser les pays européens, il s'agit de leur donner de l'espoir. Il faut que les États-Unis assument le leadership, il faut qu'ils redonnent de l'espoir aux populations européennes, à la fois par une politique économique qui soit adaptée, et puis par la production d'un discours idéologique. Ça, c'est le dernier point de Kennan. Les États-Unis incarnent l'espoir. Ils ont un bon modèle. C'est aussi le point qui va faire le succès du télégramme Kennan dans une bonne partie de l'administration et sans doute aux yeux de Truman lui-même. C'est que le document se termine de manière très optimiste. Si les Américains comprennent bien à qui ils ont affaire, ils vont gagner. Ils sont trop puissants. Leur modèle est trop positif, en quelque sorte, pour ne pas convaincre les populations du monde libre, de se rallier aux États-Unis. Kennan dit, les Soviétiques n'ont comme à proposer qu'un modèle négatif, qu'un modèle de destruction, qu'un modèle d'anxiété et de peur. Nous, on peut proposer un modèle, si on a confiance dans nos valeurs et si on réussit à stabiliser la situation économique, notamment en Europe, eh bien on pourra proposer un modèle qui va triompher. Voilà pour cet épisode 14 de La Fabrique de la Guerre Froide que vous pouvez, comme tous les épisodes de ce feuilleton, télécharger séparément du reste de l'émission pour les garder avec vous. De la cantate numéro 106 de Bach par le Purcell Quartet, cantate dans laquelle on cite cet extrait de Luc 23, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Bonjour Christiane Clapiche-Joubert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Victor Massel-Lépinay. Bonjour. Il est là, portant sa croix, derrière le Christ, de la descente Olympe de Giotto au jugement dernier de Michel-Ange, et presque personne aujourd'hui ne le remarque, mais vous, vous l'avez remarqué, Christiane Clapiche-Joubert, vous êtes directrice d'études honoraires à l'école des hautes études en sciences sociales, et dans Le voleur de paradis, vous analysez par le menu l'évolution, justement, de la figure de Dismas, le bon larron crucifié auprès du Christ. On a l'impression que c'est une œuvre que vous avez avec vous depuis longtemps, ce travail sur le bon larron, Christiane Clapiche-Joubert. Oui, en général, les livres que j'ai pu publier me prennent une dizaine d'années. Mmh. Ils se chevauchent, évidemment, au cours du temps. Mais certains, j'ai commencé à les élaborer quand j'enseignais encore. D'autres se sont ajoutés à cela par couches, un peu décalées. Et celui-ci, oui, j'en ai eu l'idée il y a une petite dizaine d'années, je pense, en considérant les grandes crucifixions panoramiques et en étant frappé par leur concomitance avec les nouvelles liturgies judiciaires, c'est-à-dire les exécutions de condamnés à mort, qui prenaient place sur les places publiques à la même époque, c'est-à-dire à partir du début du XIVe siècle. Alors, vous êtes spécialiste en anthropologie historique. Vous avez travaillé entre autres avec bien très grands, justement, de l'histoire du Moyen Âge, et vous êtes vous-même une spécialiste de toutes ces questions. Ce qui est très étonnant, c'est que vous ouvrez votre livre par une réflexion personnelle. Vous dites, tout compte fait, je suis de la génération de ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui ont entendu parler de la torture pendant la guerre d'Algérie, et ça n'est sûrement pas pour rien que je me suis intéressé à ce qui s'est passé au moment de la crucifixion, justement, et à cette figure du bon larron, compagnon positif, pourrait-on dire, de la crucifixion de Jésus-Christ. Oui, il y a un élément personnel, en effet, qui réapparaît ici. Et j'ai essayé d'évacuer, en fait, ces mauvais souvenirs, mais ils sont constamment, malheureusement, renouvelés par l'actualité. Mmh. Il faut dire que nous vivons dans un monde où la souffrance infligée... Et la cruauté. Et la cruauté infligée sont courantes. Victor Massé-Lépinay. Oui, la figure des larrons, les figures des deux larrons sont présentes dans les quatre évangiles. Mais c'est que dans Luc qu'il y a une distinction entre le bon et le mauvais, le bon qui interpellerait Jésus, auquel Jésus donc répondrait cette promesse qu'on a entendue « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais pour l'iconographie, ce qui est intéressant, et ce qu'on peut voir dans votre livre, c'est que c'est surtout les évangiles apocryphes, alors en particulier l'évangile de Nicodème, qu'on appelle aussi les actes de Pilate, qui invente tout un tas d'histoires dans la vie de Dismas, puisqu'il a même un prénom. Alors, on nous dit par exemple qu'il avait recueilli la Sainte Famille dans sa fuite en Égypte pour les assister, ou bien qu'il a été... guéri dans l'eau de Jésus. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ces évangiles apocryphes? Qu'est-ce que la tradition de l'Église dit de cette figure du bon larron? La tradition de l'Église occidentale a beaucoup, et orientale d'ailleurs aussi, a beaucoup insisté sur le pardon, la grâce qui est accordée. Mais c'est vrai que dans les écoles byzantines de peinture ou de mosaïque, l'attitude des deux larrons est souvent très indifférenciée. Mmh. Au contraire, dans l'Occident chrétien, on a vraiment délibérément choisi l'évangile de Luc qui parle en effet de ce dialogue qui entre Jésus et celui qui va devenir le bon larron, et induit les artistes à différencier les deux larrons, à en rapprocher l'un du Christ et l'autre, au contraire, à le faire se détourner du Sauveur. Alors, c'est tout à fait étonnant parce que on pourrait dire que c'est presque une enquête policière que vous menez, Christiane Clapiche-Joubert, pour Le voleur de paradis, puisque vous prenez toutes les représentations, depuis les premières d'entre elles, au IVe siècle, souvent, sur le portail d'une église Santa Sabina, d'une église romaine ou d'autres. Représentation de cette date-là jusqu'à la fin de l'époque médiévale et au tout début de l'époque moderne, jusqu'au XVIe siècle. Et vous traquez justement ces lentes évolutions de la figure du bon larron dans sa distinction d'avec le mauvais larron. À la fois la façon, ce sur quoi les peintres ou les sculpteurs attachent le bon larron? Est-ce que ce sont des poutres ou une croix faite de poutres? Est-ce que c'est un arbre? Et dans ces cas-là, ça change la signification. La façon aussi dont ils sont attachés, la façon dont ils sont positionnés, est-ce devant, derrière le Christ? Est-ce que l'un regarde le Christ et l'autre pas? Etc., etc. Christiane Clapy-Joubert. Oui, je crois que je me suis plus attachée, plutôt qu'à faire une étude statistique, ce qui aurait été possible, hein, entrer toutes les crucifixions d'Occident, par exemple, dans un fichier et voir les. J'ai cherché à percevoir les variantes, les variations, les moments où quelque chose change et s'instaure. Par exemple, en effet, l'attitude de se détourner ou de se révulser, de refuser son châtiment. L'attitude inverse du bon larron qui, au contraire, accepte, se soumet à son châtiment. Victor Massé de l'Épinay. Alors, ce qui est intéressant, c'est les allers-retours entre l'Orient et l'Occident d'une part, l'Europe du Sud et l'Europe du Nord d'autre part, avec en particulier, par exemple, cette scène de Jésus qui descend aux enfers après sa crucifixion pour ouvrir la porte des limbes dont il tire Abraham et les prophètes, et puis Adam et Ève. Et le bon larron l'accompagne donc dans certaines représentations, particulièrement dans des représentations italiennes et même vénitiennes. On représente le bon larron qui accompagne Jésus, qui est comme une sorte de double de Jésus. Oui, pardon. Allez-y. Vous me posiez la question de la lecture des apocryphes, et en effet, c'est de là que vient cette idée d'un bon larron qui descend aux limbes, parce que ce que les Byzantins représentaient et qui a été repris en Occident, c'était le bon larron qui attend à la porte du paradis, puisque il est au seuil. Au seuil. Jésus lui a dit aujourd'hui même, tu y seras. En revanche, les apocryphes racontent comment il apparaît avant Jésus au limbe. Il prend le rôle en fait de Jean-Baptiste, qui dans l'art byzantin était celui qui annonce la descente du Christ. Et il va bientôt, et ça c'est une innovation des peintres italiens, il va bientôt accompagner dans les limbes le Christ. Et finalement, quand Dürer reprend ce thème lui aussi en s'inspirant des gravures italiennes, il transforme. Il y a bien ce personnage qui accompagne Jésus aux enfers et qui porte une croix, mais ça devient soit Jean-Baptiste, soit Adam. Comment est-ce qu'on explique cette disparition du bon larron? Eh bien, parce que cette disparition provisoire, parce qu'il réapparaît dans l'art du XVIe siècle, justement en plein dans les limbes. Comment on l'explique? Parce que parce qu'il est trop apocryphe en fait, et que il n'est pas assez canonique. Ouais, c'est gênant quand même de raconter cette histoire. Les gens veulent bien le croire, mais ça n'est vraiment pas tout à fait canonique. Alors, à vous écouter, on pourrait croire que ce très beau livre, donc publié chez Alma, Le Voleur de Paradis, signé de vous, Christiane Clapy-Joubert, est un livre d'histoire de l'art. Ce n'est pas un livre d'histoire de l'art. C'est un livre qui mélange l'histoire de l'art, l'anthropologie historique, parce que vous insistez beaucoup sur cette floraison, dites-vous, de cette représentation du bon larron entre le XIVe et le XVe siècle, en particulier dans la Toscane médiévale, justement, de cette fin de Moyen-Âge. Et vous dites, eh bien, il ne faut pas oublier, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la place des châtiments corporels publics sur ces espaces publics de la Toscane médiévale et le rapport qu'il peut y avoir entre ces châtiments corporels publics, ces exécutions publiques et la promotion de cette figure du bon larron. Oui, c'est ce qui est en effet tout à fait frappant. Je ne suis pas une historienne de l'art, je ne suis pas en effet vraiment une anthropologue. Je lis tout cela, mais je suis une historienne du social. Et donc, partie de cette génération qui a tout mélangé à la fois pour l'histoire des femmes ou pour tout un tas d'autres sujets. Oui. Et donc je pratique en effet une mixture de tout cela. Et en particulier, ce qui m'a intéressé, c'était le regard des gens, le regard qu'ils portaient sur les exécutions judiciaires dans leur pays, mais le regard aussi qu'ils transportaient, par exemple, les pèlerins en Orient, lorsque qu'ils visitaient le Saint-Sépulcre et que l'église du Saint-Sépulcre et qu'ils cherchaient à reconnaître ce qu'ils avaient vu dans des tableaux. Ça, c'est passionnant ce que vous racontez sur ces pèlerinages et en particulier la façon dont ils ont d'aller récupérer des morceaux de pierre du supposé Golgotha, de mettre leur tête à l'intérieur du trou de la croix du Christ parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une sorte de promotion de leur individu et de leur foi par l'intermédiaire de ce contact physique avec le trou de la croix du Christ, etc., etc. Vous racontez comment en fait se construit justement une véritable religiosité autour de ce voyage au Golgotha et également autour de cette figure du bon larron. Oui, ils sont très déçus, les pèlerins, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les trous des croix des deux larrons. Ils voient bien, on leur dit de plonger le bras dedans, ce que j'ai fait d'ailleurs aussi, mais il y a des espèces de colonnes ou d'autels, de porte-cierges qui sont à l'endroit où, soi-disant, il y aurait les trous des croix des deux larrons. Et donc, il y a des discussions infinies pour savoir si ces croix sont bien en avant, derrière, à côté, dans un plan parallèle avec celle de la croix du Christ. Alors, ça a l'air futile, toutes ces discussions, mais je crois que c'est justement parce qu'ils sont imbibés de religiosité des ordres mendiants qui ont beaucoup insisté sur le repentir. La souffrance. Oui, sur la souffrance et le repentir du bon larron, et que donc, il cherche vraiment à le voir. Jérôme Prieur, qui interviendra avec Gérard Mordier en deuxième partie de cette émission, voulait vous poser une question. Oui, pour en rester sur le terrain de la représentation, ce qui nous a beaucoup frappé, parce qu'avec Gérard Mordier, on a rencontré des chercheurs dans le monde entier, qu'on a filmé à Paris, mais en voyageant, on s'efforce d'aller dans les musées, et donc on a beaucoup regardé les passions. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir que la crucifixion est une scène qui a été représentée des milliers et des milliers de fois, mais qui a une espèce de tabou sur la crucifixion elle-même. Et que ce qui fait sauter le tabou, c'est la représentation de la crucifixion, de la mise à mort des larrons. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la mise à mort des larrons, sans doute, vous avez raison de le dire, évoque des tortures, des châtiments auxquels les contemporains étaient sujets éventuellement, mais c'est aussi un moyen pour les peintres de dire comment se passe réellement l'horreur de ce supplice. Christiane Clapiche-Jubert. Oui, le crucifiement même, c'est-à-dire la manière dont on plante les clous dans les malheureux, est rarement représenté, mais est représenté quand même, hein, et y compris celui de Jésus, pas seulement des larrons. Par ailleurs, les modes de crucifiement, cruels ou pas, ou moins cruels, c'est-à-dire étaient-ils liés à leur croix, comme Emmanuel tout à l'heure le présentait, ou bien étaient-ils eux aussi cloués à leur croix, ont agité les théologiens occidentaux et les artistes pendant très longtemps. Mmh. Oui, mais c'est vrai qu'il y a néanmoins une gêne peut-être, ou un tabou à représenter le Christ tordu de douleur, tandis que les larrons, quelquefois, on y va assez franchement, en les représentant le thorax complètement gonflé par l'asphyxie, oui. les membres tordus, etc. Ben, je dois dire que les artistes allemands ont été plus féconds en représentation de la souffrance physique, y compris du Christ, encore que atténué, mais qu'ils se sont déchaînés sur autour de 1500-1550, autour des souffrances des larrons. Et il y a un beau livre de Michel Merbach qui justement étudie cela et qui montre comment ils sont roués, disloqués, accrochés à des croix d'une manière épouvantable. Alors, vous racontez comment les pèlerins se rendent en Terre Sainte pour voir où ont été crucifiés le Christ et les deux larrons, mais vous racontez aussi comment ils ramènent de Terre Sainte des mesures qui vont permettre à des artistes et à des sculpteurs de la fin du Moyen-Âge de représenter avec un réalisme le plus grand possible, l'écartement des croix entre elles, le placement des croix entre elles, et de faire ce qu'on appelle des sacrimonti. Je connaissais pas cette expression, des sacrimonti à la fin du XVe siècle. Donc, de représenter dans les dimensions réelles, pourrait-on dire, ce qu'a été la crucifixion du Christ, mais chez soi. Oui, ces mesures ont ce but, Et en effet, à partir de l'extrême fin du XVe siècle, on trouve de ces sacrimenti un peu partout, en Italie, en Allemagne, même en France, qui observent en effet les mesures. Mais il y a un autre aspect des mesures qui se rapproche davantage de la magie des reliques, c'est que les mesures ont elles-mêmes un pouvoir prophylactique, mmh. et que les rubans qui ont pris les mesures de la colonne, par la circonférence de la colonne de la flagellation, ensuite servent à calmer les douleurs des femmes enceintes, etc. C'est-à-dire que tout ce qui a touché ce sol saint et sacré de Jérusalem peut devenir un objet de relique soi-même. Absolument, c'est en effet le contact qui génère ces possibilités. Et ce qui est frappant aussi, c'est que on trouve exactement au 5e, 6e siècle des textes qui racontent la même chose. Mm-hmm. Victor Massé-Lépine. Oui, j'avais une petite question, Christiane Clapiche-Dubert, sur le titre de votre livre, puisque Jésus, dans l'évangile de Nicodème, donc cet évangile apocryphe, et puis aussi dans la légende dorée, est présenté comme le cambrioleur de l'enfer ou le voleur de l'enfer. Et je n'ai pas compris si c'est vous qui aviez inventé ce titre ou cette appellation le voleur de paradis ou si c'était quelque chose qui venait d'ailleurs. Vous n'avez pas vu une épitaphe, au début du livre, je crois, Bernardin de Sienne. Et Bernardin de Sienne est l'héritier d'une tradition qui qualifie d'Ismas de voleur de paradis. Mmh. Voleur du paradis, puisqu'il a évité le purgatoire. Il a tout évité. Oui, et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'il devient une sorte de saint, il devient celui qui va permettre la bonne mort, en particulier à ceux qui se rendront à lui, d'une certaine façon. Il va accompagner, on l'a dit, le Christ au limbe, et on voit tout le travail que vous avez mené, Christiane Clapiche-Joubert, poursuit d'une certaine façon le travail qui avait été entamé par Jacques Le Goff autour du purgatoire, en vous interrogeant justement sur l'absence du purgatoire pour ce bon larron. Et on pourra peut-être conclure là-dessus, c'était assez étonnant. Voilà une période où le purgatoire a été inventé, tel que nous l'a raconté Jacques Le Goff, dans La naissance du purgatoire. Et voilà un personnage qui peut se passer du purgatoire, alors que la grande masse des chrétiens vont y passer. C'est une belle exception, et j'en avais parlé avec Jacques Le Goff, et il avait été un peu étonné de ce destin extraordinaire. Oui, c'est-à-dire qu'il va directement au paradis, alors que les autres vont tous être obligés de passer par le purgatoire. Voilà. Alors qu'il a commis quand même des crimes, a priori, plus importants que ceux qui passent par le purgatoire. Mais son histoire propre occidentale démarre justement à l'époque de grands débats autour du purgatoire, qui ne sont pas clos. Une dernière question, Victor Massé de Lépiné. Avec en particulier l'idée que la souffrance endurée sur la croix par le bon larron vaut purgatoire, puisque finalement il y a un rapport entre purgatoire et souffrance. Exactement. Et qu'en fait il aurait déjà bien souffert. Oui, parce qu'il n'est pas un vrai martyr. Il est châtié parce qu'il a péché, mais on ne peut pas le qualifier de martyr pour sa foi. Il est déjà en fait crucifié. Même si sur le plafond de la Sixtine, il est à côté de Saint Sébastien qui tient ses flèches et de quelques autres grands martyrs. Oui. Mais ça n'empêche pas, il est au paradis, justement. Merci beaucoup, Christiane Clapiche-Joubert. On ne peut que recommander votre livre « Le voleur de paradis », sous-titré « Le bon larron dans l'art et la société », 14e, 16e siècle, 29 € chez tous les bons libraires. C'est un magnifique livre qui nous permet aussi de réfléchir sur l'apparition et la disparition aussi d'une figure comme celle du bon larron. Un petit mot, il a disparu pourquoi ? Oh oui, plus parce qu'il n'a pas complètement disparu, puisqu'il était encore invoqué pendant la Seconde Guerre mondiale dans les bombardements de Vienne ou de... Donc il existe encore, d'une certaine manière. Et on le retrouve chez Beckett dans En attendant Godot. J'ai revu la semaine dernière au Bouffe du Nord, il y a une nouvelle mise en scène. Et au début de la pièce, il y a les deux vagabonds, comme ça, évoquent les larrons. Et l'un d'eux dit... Les quatre évangélistes étaient là, et il y en a qu'un qui raconte qu'il y en a eu un de sauvé. Qu'est-ce qu'on en sait, puisque les autres le disent pas, quoi. Donc, ils ont la majorité. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Le Jésus du Coran est un personnage fantastique. Il n'est pas pour autant le Fils de Dieu. Moïse était un musulman. Jésus était un musulman. Le Coran transforme le judaïsme et le christianisme en hérésie de l'islam. L'islam n'est pas la religion de Mahomet, l'islam est la religion d'Abraham. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour. Bonjour Gérard Mandilla. Bonjour. Et Jérôme Prieur qu'on a déjà entendu. Donc vous êtes les deux réalisateurs d'une nouvelle série, donc après Corpus Christi, après l'Apocalypse, Jésus et l'Islam, donc, et également d'un livre que vous publiez tous les deux également, qui s'intitule Jésus selon Mahomet, donc une coédition Arte Édition et Le Seuil, alors une série de 7 numéros. Qui part d'un postulat un peu étrange, Gérard Mandilla, c'est-à-dire de se demander pourquoi Jésus est si présent dans le Coran. Oui, nous sommes partis de cette idée et de cette porte d'entrée, si je puis dire. Jésus est cité un certain nombre de fois dans le Coran, plus de fois que Mahomet, 11 ou 12 fois pour Jésus, 4 ou 5 fois pour Mahomet. Mais c'est pas la chose la plus importante. Ce qui est très important, c'est la singularité absolue de Jésus dans le Coran. C'est-à-dire que lui sont attribués des titres que aucun autre prophète ne porte, pas même Moïse, qui est la grande figure du Coran. Parce que Jésus est non seulement le Messie, le fils de Marie, et comme dans la tradition chrétienne, il y a la naissance virginale, le nouvel Adam, c'est-à-dire créé directement par le souffle de Dieu, il est le Verbe de Dieu, et surtout, il parle dès sa naissance. Dès que Marie a accouché, il parle. Ça veut dire qu'il est le seul prophète qui reçoit la révélation dès le premier instant. Ensuite, il fait des miracles, il ressuscite les morts, et il ne meurt qu'en apparence sur la croix. Eh bien, nous sommes partis de cette singularité absolue de Jésus à l'intérieur du Coran pour, au fond, nous engager dans ce texte extrêmement complexe et parfois difficilement pénétrable. Anaïs Kien. Oui, vous aviez déjà utilisé ce dispositif pour la série de films Corpus Christi que vous avez fait tous les deux il y a une vingtaine d'années. Il était question d'exégèse, il était question de commenter ces textes directement. Pour le Coran, le fait même de proposer le commentaire de ces textes touche à l'essence même et au statut de ce texte, de ces textes pour la religion musulmane. Jérôme Prieur, est-ce que c'était si simple que ça, finalement, de mettre en question ces textes de la même façon que vous l'aviez fait pour le christianisme? C'est vrai qu'il y a une grande tradition exégétique dans le christianisme et que cette tradition exégétique, elle a existé dans l'islam, mais que entre le 9e et le 12e siècle, elle s'est beaucoup tarie. Pour autant, nous avons une approche résolument laïque, littéraire, historique de ce texte et donc nous avons décidé de lire le Coran comme on lit un grand livre de l'Antiquité, de la fin de l'Antiquité, et de nous poser toutes les questions que des lecteurs peuvent se poser. Et donc, en interrogeant des chercheurs du monde entier, et y compris des chercheurs de tradition musulmane. Enfin, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas considérer que dans le monde musulman ou dans la culture musulmane, la lecture de ce livre soit impossible, soit interdite. Et donc, ce que dit Gérard Mandilla, c'est la mise en valeur du fait que pour lire ce livre, qui est compliqué, qui est complexe, qui est touffu, qui est en désordre, qui n'est pas d'ailleurs de toute façon, qui n'appartient pas à notre culture, enfin à l'un ou à l'autre, et surtout dont nous ne lisons pas la langue, mais Dieu merci, il y a des tas de textes dont on ne lit pas la langue et qu'on peut lire. Hein. Et donc on s'est rendu compte que Jésus ne jouait pas un rôle anecdotique et que par le fil de Jésus, on pouvait tirer sur ce fil et voir un peu plus le tissu, la tapisserie du texte et se poser toutes les questions et surtout la question essentielle, pourquoi Jésus est là et comment ? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous n'évitez pas, et les chercheurs que vous interrogez n'évitent pas les questions qui fâchent, pourrait-on dire. Vous vous posez la question de savoir qui est l'auteur du Coran. C'est une question, effectivement, qui mérite discussion. Est-ce que c'est Mahomet ? Est-ce que c'est Dieu ? Et est-ce qu'il y a plusieurs auteurs, etc. C'est une question intéressante, puisque un de vos intervenants dit parler de composition du texte coranique, pour beaucoup, est une question sacrilège, où il y a un fossé entre le musulman croyant et l'historien philologue. Vous vous posez la question aussi, qui divise beaucoup de chercheurs, de savoir si, comme Jean de Damas, eh bien, au bout du compte, on peut considérer l'islam comme une hérésie ultime du christianisme. Vous vous posez la question de savoir, Gérard Mandilla, si le Coran est anti-judaïque ou s'il est anti-rabbinique. Toutes questions qui sont effectivement des questions chaudes dans les discussions actuelles. Oui, mais à partir du moment où on considère le livre comme un livre, comme un texte, on peut avoir une approche historico-critique. Bien sûr. Alors, quel est l'auteur du Coran ? Bien sûr, c'est sacrilège par rapport aux croyants, puisque dogmatiquement, le Coran est la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de discussion, c'est Dieu. Mais lorsque vous lisez le Coran, vous vous rendez compte et vous arrivez à déterminer les formes littéraires qui sont à l'œuvre, les strates rédactionnelles, les contradictions, les manques, les interpolations. Donc, il est évident que le Coran est un texte composite et qu'il faudrait parler des auteurs du Coran. D'ailleurs, la tradition musulmane, dans les hadiths, par exemple, on voit Omar, le deuxième successeur de Mahomet, qui refait des passages entièrement qui ne lui conviennent pas, il refait des passages. Ça existe dans la tradition musulmane. Donc il faut bien distinguer le côté dogmatique de la lecture critique qu'on peut avoir. Quant à l'anti-judaïsme du Coran, là aussi, il faut se remettre dans, je dirais, le contexte historique et religieux de l'époque. Il est évidemment le témoin des débats, des disputes qu'il y a entre Mahomet et les Juifs de son temps. Donc il y a, mais de la même façon, dans le Nouveau Testament, on voit les disputes entre les partisans de Jésus et les Juifs de son temps. Le problème, c'est qu'on a fait de ces disputes circonstancielles des vérités éternelles et qu'on est passé d'un anti-judaïsme théologique, si je puis dire, à un antisémitisme au sens moderne. Anaïs Kien. Oui, ce qui est assez étonnant, parce qu'on en a vu pas mal dernièrement des séries comme ça, documentaires, qui convoquaient essentiellement des historiens, pas d'image d'illustration. Je pense notamment à cette grande série sur la Shoah de William Carell, où finalement, à la fin du visionnage, on avait l'impression que tous ces savants travaillant sur la Shoah étaient parfaitement d'accord sur ce qu'était l'histoire de la Shoah. Ici, vous mettez en scène d'une certaine façon à la fois tous les désaccords, tous les doutes, tous les problèmes de traduction d'ailleurs, tous les problèmes de mots, tous ces problèmes de langue, en convoquant cette communauté d'historiens, mais une communauté d'historiens tout à fait virtuelle, puisque vous les avez fait venir, vous avez eu ces grands entretiens avec eux. Mais est-ce que vous avez réussi à savoir, Jérôme Prieur et Gérard Bordia, si ces gens se lisent, si ces gens échangent entre eux ? Parce qu'il n'est pas ici question que d'historiens du Coran, par ailleurs. On a des historiens du judaïsme, on a des historiens de la chrétienté et des historiens également de l'islam. Jérôme Prieur. Il y a quelques années, il y a un chercheur qui avait été filmé dans nos séries, qui n'est pas dans celle-là, qui nous disait « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous accomplissez une œuvre extraordinaire, vous permettez à des chercheurs qui ne peuvent pas se rencontrer, qui ne se supportent pas, de parler ensemble. » Bon, je ne sais pas s'il y a... Virtuellement, en tout cas. Virtuellement, je ne sais pas s'il y a... Dialoguer. Oui, qui dialoguait. Et donc, c'est le sens de tout notre travail, comme ça, de réunir des chercheurs qui sont séparés par des options scientifiques, par leur discipline, par leur méthode de travail, et de les mettre ensemble. Parce qu'on pense que c'est à ce compte-là que se produit quelque chose de neuf dans la parole savante, et que cette parole, du coup, elle est confrontée à une espèce de doute général. Enfin, on est sûr de rien, mais plus il y a d'éléments et de points de vue, plus on peut éclairer l'ampleur de la question et montrer que la recherche sur le Coran, qui est, à mon avis, est aujourd'hui un continent fabuleux, enfin fabuleux dans et en pleine expansion, et à ses débuts, comment ce continent doit révéler dans les générations à venir des découvertes extraordinaires, mais parce que il y a un feu croisé, c'est-à-dire que si les spécialistes du Coran ont le droit de parler, ça produit des résultats beaucoup moins intéressants que si on confronte des spécialistes de l'islam naissant à des spécialistes des pères de l'Église, à des spécialistes de l'Église syriaque, à des spécialistes de l'Arabie, etc. C'est-à-dire que moins on a d'éléments, moins on peut dire de choses, et plus il y a de regards différents, plus la réalité se montre diverse et surprenante. Gérard Mandier. Pour reprendre une expression de Michel Foucault, je crois qu'on procède à une sorte d'archéologie des savoirs, et que c'est important qu'il y ait cette archéologie des savoirs, que l'épigraphie soit confrontée à l'archéologie, à l'histoire des premiers temps, etc. Je pense que c'est très important qu'il y ait ça, parce que ça offre aussi aux spectateurs ou aux lecteurs une place qui, très souvent, lui est déniée. Mais, Mais est-ce que ça dit quelque chose aussi sur la question de l'impossibilité de la mise en scène de la controverse en présence, en face à face? Parce que tous ces historiens, tous ces philologues, tous ces savants, vous les avez enregistrés, vous les avez filmés séparément. Et cette communauté virtuelle, elle advient au moment où on visionne le film, mais elle n'a jamais existé finalement. Oui, mais ça dit que le débat est une forme très... canonique, très... Vous dites même un peu pauvrette. Hein, non, puis une illusion. Une illusion, oui, parce que dans le débat, celui qui l'emporte est celui qui parle le plus fort, par exemple. Et donc là, on donne à chacun le temps. Et sa, oui, sa chance. Et son mode de pensée, son mode d'expression. Enfin, il y a des chercheurs qui ont besoin de silence, il y a des chercheurs qui ont besoin d'être dans le tête-à-tête avec leur texte. D'ailleurs, on les voit hésiter parfois. Ils sont des acteurs, et donc c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire ça montre que les chercheurs que nous filmons ne sont pas des porte-paroles, ne sont pas de purs scientifiques. Ce sont aussi, c'est notre travail de cinéaste, des personnages, des personnes. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, on s'attache à tel ou tel, ou on se demande ce que tel ou tel, parce qu'on petit attend. À petit, on comprend les positions des uns et des autres. On les attend, voilà. Mm-hmm. Vous aviez essuyé de la part, en particulier de théologiens catholiques, des salves de critiques pour votre Corpus Christi ou pour vos œuvres précédentes, Gérard Mandillien. Vous attendez à quoi sur un travail comme celui-ci? Est-ce que vous pensez justement que cette question d'essayer de promouvoir, non pas d'imposer, mais de promouvoir une histoire critique, une vision critique, justement une lecture critique du Coran, est une question difficile aujourd'hui ou pas du tout? Oui, elle est difficile. Elle sera aussi insupportable aux intégristes et aux fondamentalistes musulmans que nos précédents travaux l'ont été aux intégristes et aux fondamentalistes catholiques. Il n'y avait pas que des intégristes catholiques qui vous ont critiqué. Voilà. Si, quand même. Et dont certains font nid d'ailleurs à la Sorbonne. Et on peut lire un certain nombre de choses qui sont assez ahurissantes, mais parce que ce qu'ils mettent en avant, ce sont des fruits déguisés, c'est-à-dire que c'est des curés militants qui font croire qu'ils sont des chercheurs. Bah, je pense que pour ce qui est de l'islam, il y aura vraisemblablement le même type de réaction. Mais quand on voit la recherche au travail, et notamment de la part des chercheurs de tradition musulmane, beaucoup de ceux qui ont accepté de travailler avec nous, nous aussi accepter dans la perspective de remettre de l'intelligence dans ces questions, de remettre du regard critique, de remettre de la distance et pas simplement de s'agenouiller devant le texte en le répétant et en le récitant. Jérôme Prière. Oui, on a fait une avant-première à la BNF là, il y a une semaine et Mohamed Ali Amir Mouedzi qui est dans nos films, à l'école pratique des hautes études, a fait une très belle introduction en disant à quel point notre travail était de salubrité publique. Et je pense qu'il est de salubrité publique par rapport à nous, à notre ignorance, mais aussi par rapport... Oui, parce que quand même, on apprend énormément de choses. C'est la première chose qu'il faut savoir. On apprend énormément de choses, mais d'autant plus qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà. Et par rapport, je pense aussi, aux musulmans ou aux spectateurs qui sont de culture musulmane, qui ne savent pas grand-chose aussi. Et donc, je pense que ça remet de la pensée, de l'histoire, de l'intelligence dans ces questions qui sont tellement envenimées par les débats actuels. Anaïs Kien. Et puis il y a eu des surprises aussi pour vous. Je ne sais plus dans quel document d'accompagnement vous faites cette remarque, Jérôme Prière et Gérard Mordillat. Vous avez trouvé beaucoup plus de femmes savantes qui travaillaient sur le Coran que sur de femmes savantes qui travaillaient sur cette question des textes coraniques que lorsque vous avez travaillé sur les textes chrétiens eux-mêmes, Gérard Mordillat. Oui, c'est vrai que sur le domaine chrétien, il y a peu de chercheuses. Il y a l'américaine Paula Frederickson, qui est une femme exceptionnelle, mais il y a peu de chercheuses. Alors que c'est vrai que sur le domaine du Coran, mais peut-être parce que c'est un terrain encore tellement vaste à découvrir et tellement ouvert que c'est ouvert paradoxalement peut-être là aussi aux chercheuses femmes. Et on a eu la chance de tourner avec Patricia Crown, qui est une américaine qui, hélas, est décédée, qui était une grande historienne, grande critique des textes, etc. Bon, c'est formidable. Ou Jacqueline Chabi, qui fait une approche anthropologique, alors qui fait dresser les cheveux à tous ses collègues, mais en même temps qui nous permet de réfléchir. Donc voilà où Au paradoxe, on voit Angelika Neuwirth, l'Allemande, qui défend un point de vue tellement islamophile que même ceux qui sont de tradition musulmane sont assez stupéfaits de ces déclarations. Donc on voit bien toutes ces choses-là, et que ce soit porté par des femmes, au fond, peu importe, c'est surtout porté par des chercheuses, par des historiennes, et c'est ça qui est important pour nous. Comme Asma Hilali, par exemple, également, Jérôme Prieur, la place est où pour l'écart ? Moi, je me pose une question quand on a des séries travaillées aussi précisément, telles que celles que vous faites, où est-ce qu'on peut laisser de l'écart ? C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, tous ces témoignages se répondent, font avancer, etc. C'est ce que nous faisons en documentaire, en radio aussi. Et est-ce qu'il y a encore une place pour l'écart, justement, pour le moment de jeu, pour que l'auditeur ou le téléspectateur puisse se réapproprier autre chose que ce que vous avez rassemblé ? Ben, la place, on la défend avec acharnement, c'est-à-dire que on lutte beaucoup depuis des années et des années dans ces films et dans d'autres, mais dans ces films tout particulièrement, contre le littéralisme, l'impression que le texte dit la vérité. Il dit d'autant plus la vérité que c'est un texte sacré. Donc, prenons l'histoire des larrons. S'il y a deux larrons, eh bien, c'est qu'il y en avait vraiment deux, mais pourquoi pas plus, etc., etc. Il y en a un bon, un mauvais. Enfin, ces textes sont écrits, sont construits, sont élaborés. Donc, c'est ça. Et d'autre part, l'écart, c'est ce qui permet à chacun d'échapper au catéchisme. Le catéchisme, il est, qu'il soit religieux ou laïque, d'ailleurs, hein, dans l'enseignement public, il est très frappant de voir qu'il y a aussi un catéchisme. Et dès qu'on s'échappe du catéchisme, ben on se rend compte, là je repense à votre livre sur le bon larron, on se rend compte, et tout ce qu'on fait depuis des années et des années, que le texte est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, beaucoup plus vertigineux, beaucoup plus contradictoire. Et donc ça nous permet de le lire. Et puis si cette série de documentaires est une série bavarde, hein, les gens parlent beaucoup, oui. on n'a pas de d'images qui permettent d'occuper un petit peu l'espace. Sauf de très belles images de Coran en lumière. Parfois, mais très rarement. Ouais. Et de très belles images de chercheurs. En fait. Malgré tout, justement, j'y viens, Jérôme Prieur, on a des corps, et on a peut-être encore plus de corps que dans Corpus Christi et dans Apocalypse. J'ai l'impression que vous avez, d'une certaine façon, vous êtes emparé de ces corps parlants. Peut-être, enfin, il y a une solidité de ces corps qui va de pair avec la fragilité, finalement, des hypothèses, oui. Des esquisses de ce qu'on peut dire. Non, parce que c'est un texte très difficile, le Coran. C'est un texte aussi qui a pas de parallèle. C'est un texte, c'est presque un objet archéologique. On faisait allusion à l'archéologie du savoir, mais presque à l'archéologie. C'est-à-dire, c'est un texte sans contexte, alors que dans l'archéologie, ce qui est essentiel, c'est d'avoir la preuve matérielle, la trace matérielle et le contexte. Et donc là, ce sont les mots qui servent de trace matérielle et dont il faut tirer le contexte. Je dirais qu'on développe un art du portrait aussi et que ils sont tous bons. C'est surtout ça qui est. S'ils sont tous exceptionnellement bons. Mais on a nos préférés parfois. Mais s'ils sont filmés dans le même espace, aucun n'est filmé de la même manière, ni éclairé de la même manière. Il y a ceux qui vont d'avant en arrière. Voilà, il y a ceux qui vont vers la caméra. Il y a ceux qui sont de profil, il y a ceux qui se présentent tels qu'ils veulent se présenter. Et surtout, ce qui est très important, c'est que nous nous adressons à eux, non pas avec des questions, mais avec des hypothèses. Nous leur demandons de réfléchir à voix haute sur des hypothèses que nous leur présentons. Livre à la main, toujours. Merci, Choubi Yalahoum. J'ai appris cette formule qui ouvre votre premier volet. Donc, il faut absolument regarder. C'est Jésus et l'Islam, signé Gérard Mordilla et Jérôme Prieur. Et elle accompagne cette série qui commence demain sur Arte. Un livre, Jésus selon Mahomet, qui paraît aux éditions du Seuil en coédition avec Arte. Merci à tous les deux. Merci. Alors, Victor Massé-Lépiné, une bonne façon de commencer notre semaine, puisque vous allez être avec moi toute la semaine, pour évoquer les questions religieuses et les réformes religieuses. Demain, vous nous parlerez d'une réforme importante dans le christianisme, le catholicisme, c'est-à-dire Vatican II. Oui, et ce que Jérôme Prieur vient de dire sur l'abandon du catéchisme pour redécouvrir un texte qui est peut-être plus... dont la lecture historico-critique permet de découvrir plein de facettes, ça a été un travail, entre autres, opéré au Concile Vatican II. Jean-Louis Schlegel qui participe à ce documentaire nous l'explique très bien. Après le concile, les groupes bibliques ont pullulé et on a redécouvert la Bible avec les nouvelles méthodes, etc. C'était ce qu'on a, dans une des constitutions de ce concile, on a réfléchi, l'Église a réfléchi les rapports entre l'écriture et la tradition. C'était pour redonner une place à l'écriture qui avait été enfouie sous 20 siècles de tradition. Ça, c'est un des aspects du concile qui sera abordé dans le documentaire de demain. On en écoute un extrait de ce documentaire. Le rôle des commissions est central, c'est-à-dire que chaque grande thématique, chaque sujet avait une commission qui lui était dédiée, donc qui était réunie sous la houlette, on va dire, d'un personnage, d'une figure, on va dire, importante, et qui avait toute une série de personnes, d'experts à ses côtés, qui permettaient de produire différents papiers qui étaient proposés à l'Assemblée conciliaire, et puis souvent il y avait des va-et-vient. Voilà, entre justement les sessions, il fallait pouvoir travailler sur les textes. En fait, il y a eu toutes sortes de réunions parallèles entre des gens qui avaient des affinités, quoi. Par exemple, des théologiens belges ont été particulièrement actifs et ont joué un rôle tout à fait décisif avec des théologiens allemands et des théologiens français. Déjà à Rome, pendant que les évêques siégeaient, mais aussi dans les intercessions, ces gens-là, tout simplement... ils faisaient un peu de l'agit-prop en disant, ils invitaient des gens dont ils savaient qu'ils étaient amis à des réunions d'explication, de discussion, pour préparer les textes de façon un peu parallèle à ce qui avait été décidé. Un extrait du documentaire que vous avez conçu avec Anne Fleury à la réalisation, qu'on écoutera demain sur l'histoire du Vatican II, mais ce n'est qu'une des parties de notre semaine consacrée donc aux réformes religieuses, parce que le lendemain mercredi, on parlera des réformateurs musulmans de la fin du 19e et du début du 20e siècle, avec des figures comme Al-Afghani, Mohamed Abdou, Rida, etc. Et puis le jeudi, nous parlerons du judaïsme médiéval. Et des réformes dans le judaïsme médiéval avec une figure principale, peut-être celle de Maïmonide, mais absolument, pas simplement. Absolument. Merci à vous, Victor Massé de l'Épinay. Voici donc le programme de cette semaine. Je rappelle que nous avons parlé en première partie de cette émission du Voleur de Paradis, le bon larron dans l'art et la société de Christiane Clapiche-Joubert, publié aux éditions Alma. Et dans la deuxième partie de cette émission, Jésus et l'Islam de Gérard Mordillat et de Jérôme Prieur, diffusé à partir de demain sur Arte, mais également disponible en DVD dans toutes les bons vendeurs de DVD et de disques. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Élise Le était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter cette émission ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'y écouter pendant 3 ans, la télécharger pendant 1 an. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.